Archi Radio. La radio du festival Archipel. En direct de 10h à midi sur archipel.org. Bonjour et bienvenue au Salon d'écoute du Festival Archipel pour cette troisième, je crois, session de partage d'écoute. Nous sommes donc dans le Salon d'écoute doté de son acousmonium, un petit orchestre de haut-parleurs, enfin un grand orchestre de haut-parleurs, avec Olga Kokshawa aux manettes ce midi. Les partages d'écoute, c'est un moment où on partage des écoutes. Et la plupart du temps, la plupart des sessions, c'est avec des artistes du festival qui font écouter des musiques qui les ont accompagnés, influencés, ou toujours, ou dans le passé. Mais il y a deux moments dans ce festival où nous avons demandé à des personnalités, notamment aujourd'hui, avec Madeleine Leclerc, du musée d'ethnographie de Genève, avec les qui est responsable du fonds des archives internationales populaires de musique populaire, de travailler sur la notion de contexte. Pourquoi ça? Parce que dans cette édition Archipel, il y a pas mal d'artistes et de propositions qui incluent des enregistrements de terrain, des enregistrements, simplement la prise d'un micro dans un environnement. Et il y a quelque chose qui est toujours assez fascinant quand on écoute les enregistrements, les archives ethno, c'est qu'on entend souvent le contexte. Donc on peut vraiment entendre ce qui se passe autour. Et là, on est parti sur... Enfin, Madeleine nous propose une sélection où ce contexte est très présent. Je laisse la parole. Merci Madeleine. Merci beaucoup Marie. Je remercie toute l'équipe du Festival Archipel et Marie Janson plus particulièrement pour l'invitation. Merci à Olga également, à la technique. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'écouter une sélection de pièces qui sont issues des Archives internationales de musique populaire, les AIMP, qui sont conservées au MEG, au Musée d'ethnographie. Ce sont des musiques qui ont été enregistrées à différentes époques, aux quatre coins du monde, dans leur écologie naturelle d'existence et non dans le contexte d'un studio. Cet environnement naturel, il est vivant. Et on l'entend comme le témoignage de ça, c'est les nombreuses autres sources sonores qui forment une sorte de toile de fond à la performance musicale principale qui a été enregistrée. Donc ce partage d'écoute met avant tout l'accent sur les bruits de fond enregistrés pendant le temps de la musique, des bruits de la vie quotidienne, dans un village par exemple, des animaux d'élevage, des vaches, la présence d'un bébé à qui on chante une berceuse, l'environnement d'une forêt, le son de l'eau dans une rivière ou lors d'une averse, mais aussi l'enregistrement de sons qui témoignent de ce qui se passe lors d'un concert, donc après, juste au moment où les artistes entrent sur scène et juste avant le concert. Et également trois autres pièces qui font entendre le bruit que font les matériaux d'un instrument de musique lorsqu'on le joue et également les bruits de surface du support d'enregistrement. Ce sera le cas du dernier morceau qui est un support ancien 78 tours. Donc je vous remercie de votre attention et bonne écoute. Oh,

addormentati per pena, fatti voi la ninnina. Yeah. Oh, Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमे वंदनान मूर्तिमोक्षमामृतातः ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमे वंदनान मूर्तिमोक्षमामृतातः ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमे वंदनान मूर्तिमोक्षमामृतातः ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमे वंदनान मूर्तिमोक्षमामृतातः ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम ऊर्वारुकमे वंदनान मूर्तिमोक्षमामृतातः ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम ऊर्वारुकमे वंदनान dearest ladies and gentlemen, I am going to start that very beautiful musical evening before my father. I am singing Raga Chand Kons. This raga has 5 notes. I will sing Bilampat Khyal in 10 beats, Taal Jhaptaal, and medium Taal, 16 beat called Teen Taal, and Durt, which is fast tempo, Tarana, same 16 beat, Raga Chand Kons. Nous allons jouer un Varnam, c'est une composition composée par un compositeur, sans improvisation, dans un raga Hamsadhwani. Ce sont les notes. Nous allons jouer dans un tempo moyen. Thank you. Vous avez donc entendu des musiques des îles Salomon, des enregistrements réalisés plutôt aux îles Salomon en Océanie, ensuite au Burkina Faso. La berceuse a été enregistrée en Corse, des musiques du Rajasthan, La scène de chasse dans la forêt a été enregistrée en République centrafricaine. Un enregistrement du Pérou avec le jaguar. Un enregistrement fait au Brésil. Ensuite, à nouveau, un enregistrement réalisé en Inde, au Rajasthan. J'ai fait ensuite un montage à partir d'enregistrements de concerts qui ont été produits par les ADEM, les ateliers d'ethnomusicologie. Ensuite, la pièce pour l'instrument à cordes a été enregistrée à Hong Kong. L'instrument s'appelle le chin, c'est une sitar, suivi d'une flûte jouée aux îles Salomon et pour terminer, une pièce enregistrée en Espagne. Merci de votre attention.